C'est par mon amie Anna que j'ai entendu parler des MOOCs pour la première fois. Elle venait de tester et elle était emballée. J'ai décidé d'essayer moi aussi. Je travaille et je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée. Mais avec les MOOCs, on peut apprendre quand on veut. C'est ce qui m'a motivée. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des MOOCs sur tout, c'est très varié. Par exemple, j'ai choisi de suivre celui sur l'histoire de la mode. C'est génial. J'avance à mon rythme, du coup c'est très efficace. Et puis avec les quiz, on peut évaluer son niveau régulièrement, c'est très motivant.